Chapitre 54e, la tête la première. Ce premier rendez-vous fortuit fut suivi de beaucoup d'autres, tout aussi riches en enseignements, petit à petit, confusément. Aussi n'avait senti qu'il y avait peut-être la matière à piéger Malik. Cependant, c'est en rentrant bêtement un soir dans son studio qu'Hossine eut l'illumination en regardant soudain sa vieille télé. Pourquoi donc n'y avait-il pas pensé plus tôt? C'était imparable. Malik foncerait dans le piège la tête la première. Il suffisait de lui raconter que lui-même avait enfin acquis la télé 16/9 de ses rêves. Pleinement satisfait de son idée, Hossine Mani se promit de se rendre dès le lendemain dans un magasin d'électroménager et de se renseigner sur un modèle de télé assez haut de gamme. Il connaissait suffisamment son imbécile de cousin pour savoir que celui-ci ne prendrait même pas la peine de vérifier ses dires. Malik foncerait bien en tête dans la première enseigne venue et il ne pourrait choisir qu'un modèle de télé plus sophistiqué que celui que Hossine était censé avoir acquis. Le plan, une fois bien arrêté, fut appliqué dès le week-end suivant et Malik Boucharif tomba dans le piège comme un fruit bien mûr. Comme à son habitude, il fit celui qui s'en moquait éperdument. Mais Hossine connaissait trop son cousin pour se laisser abuser un seul instant. Celui-ci était bel et bien ferré. À présent, il suffisait juste de se montrer patient, car Malik finirait bien, tôt ou tard, par réquisitionner son aide. Très intelligemment, Hossine Mani avait tablé sur le fait que Noël se rapprochait à grands pas. Le plus drôle dans toute cette histoire, c'est que si Malik Boucharif avait connu la taille réelle du studio qu'occupait son cousin, il aurait tout de suite compris que celui-ci le menait en bateau. En effet, l'endroit était si exigu qu'il était tout simplement impossible d'y installer la télé prétendument achetée. C'est à peu près à cette époque qu'il s'était très discrètement mis en chasse du scooter qui lui permettrait, à l'heure dite, de se débarrasser de son cousin. Quand il avait vu celui, complètement défoncé, de Dominique Salvia, il avait tout de suite vu qu'il ferait parfaitement l'affaire. Il n'avait pas hésité un instant à l'acheter, pour 1 euro symbolique, puis à louer un box pour le planquer en attendant l'heure propice. L'enfant n'était pas suffisamment stable pour qu'il s'en serve, mais en revanche, il ne pouvait que plaire à son casse-cou de cousin. Hossine Mani exulta intérieurement quand Malik Boucharif l'appela en fin de semaine pour lui demander de se libérer toutes affaires cessantes. Comme à son habitude, il se moquait éperdument de savoir si son cousin avait d'autres projets, tout comme il oublia de mentionner la raison pour laquelle il avait soudain un besoin si urgent de lui. Celui-ci, comme à son habitude, ne posa aucune question et promit de se libérer. La vengeance venait de se mettre en marche et plus rien ne pourrait l'arrêter. Comme il s'y attendait, il retrouva Malik Boucharif devant le magasin d'électroménager. Pour ne pas montrer sa joie intérieure, il avait mis une casquette semblable à celle de Malik, c'était un cadeau de celui-ci, et choisit ostensiblement de bien rester à l'entrée du magasin. Il eut alors tout le loisir de voir Marion Chardy qui ne semblait pas très joyeuse d'être là. Hossine compatissait. À voir la tête qu'elle faisait, elle devait être en train de réaliser que Malik lui forçait la main. « Bienvenue au club », se dit Hossine Mani in petto. Son cher cousin n'avait jamais procédé autrement. Il ne savait pas demander les choses sans biaiser. Comme les gamins, il préférait louvoyer sans cesse. Présomptueusement, il comptait sur son charme naturel pour se sortir de toutes les situations. Hossine Mani riait sous cap. Cette fois, ce prétendu charme ne lui serait d'aucun secours. Malik Boucharif était loin d'imaginer ce qui s'apprêtait à lui tomber dessus. Hossine Mani n'avait qu'un regret, celui de devoir froidement éliminer une si jolie fille. Mais n'avait-elle pas scellé elle-même son destin le jour où elle avait délibérément choisi de régler l'amende de Malik? Pourquoi ne s'était-elle pas tenue au loin? Pourquoi avait-elle eu ensuite la bêtise de s'amouracher d'un minable comme lui? Pourquoi n'avait-elle pas compris qu'il ne pouvait faire que son malheur? À tout moment, elle aurait pu mettre fin à leur relation et sauver sa vie par la même occasion. Ayant librement choisi de persister dans l'erreur, elle acceptait par là même d'être sacrifiée. Le 6 février 2003, Hossine Mani avait abandonné le scooter sous les yeux de son cousin, puis avait attendu 3 jours avant de contacter le commissariat. Le 10 février, Malik Boucharif avait été arrêté. Il était temps pour Hossine Mani de passer à la dernière partie de son plan. Pourquoi avait-il exécuté la fille? Tout simplement pour que Malik n'ait plus le moindre soutien. Il avait eu beau apprendre par Geneviève Giraudet que Marion Chardy avait fini par ouvrir les yeux, il la sentait bien trop vulnérable. Malik Boucharif savait retourner les situations comme personne, et la jeune fille n'avait pas encore appris à se défendre, à résister. La supprimer était la solution la plus sûre et également la plus simple. Le 22 février, il avait réservé son billet de retour pour Alger. Le mois suivant, il était passé à l'action après avoir dit adieu à Saïd et à Latifa.